Chapitre 2. Le retour. Bien que la Niare eût fait le projet depuis plusieurs années, c'est-à-dire depuis la mort de Bourque, son retour à l'hôtel Troyon fut, en fin de compte, un geste presque entièrement impulsif. Il était arrivé de Londres par la malle de l'après-midi, via Boulogne, voyageant avec une paire de valises pour tout bagage et craignant pour sa vie. Deux atteintes portées à son prestige depuis la veille à minuit avaient rendu cette fuite nécessaire, voire urgente. D'après son calcul, il faudrait au moins 24 heures à Scotland Yard pour se mobiliser au sujet de l'affaire Humbert. Mais l'autre affaire, le cambriolage des appartements Huisman, bien que non consommé encore à midi, devait avoir mis en branle les justices d'au moins 3 pays avant que Lagnard fût monté dans son train de Charing Cross. Or, il avait une piètre opinion de Scotland Yard. Ses émissaires doivent opérer avec réserve pour rester dans les lois dont ils sont les gardiens. Mais les agents des diverses polices secrètes du continent ont une manière à eux de faire leurs lois suivant les besoins. Et envers ceux-ci, Lagnard professait un respect que l'on pourrait presque qualifier de profond. Il n'eût pas été surpris de rencontrer des ennuis sur le quai de Folkestone, mais Boulogne surtout lui apparaissait comme un lieu décisif. Les feux du port, se balançant par-dessus la morne étendue grise, semblaient fouiller l'ombre grandissante du crépuscule pour le découvrir sur le pont du paquebot, et il répondait à leur regard inquisiteur par un autre, non moins fixe et inquiet. Mais ce fut seulement arrivé dans le défilé de la gare du Nord qu'il trouva un sujet d'émotion. En sautant du train sur le quai, il livra son bagage au porteur le plus proche et suivit l'homme à travers la foule, coudoyé et bousculé, offusqué par les relents de vapeurs refroidies et de gaz d'allumage et ébloui par l'éclat des lampes à arc. Quasi la première tête qu'il vit tourner de son côté fut celle de Roddy. L'homme de Scotland Yard était posté d'un côté de la sortie du quai. En face de lui se trouvait quelqu'un d'autre connu de vue par Lagnard, un fonctionnaire des plus notoires de la préfecture de police. L'un et l'autre examinaient attentivement chaque visage dans le flot qui se pressait entre eux. Se demandant si par quelque fatalité de hasard, ces deux-là agissaient d'après des ordres télégraphiques récemment reçus de Londres, Lagnard fit bonne contenance. Au premier geste pour le saisir, il se livrerait à une démonstration remarquable dans l'art brutal de ne pas se laisser prendre avec les marchandises sur soi. Et durant 20 secondes, tandis que la foule s'écoulait lentement par l'étroit portillon, il fut aussi près de se trahir qu'il l'avait jamais été, plus près même, car il avait déjà repéré sur la joue de Roddy l'endroit où s'abattrait son poing, et un autre où il planterait un coup de savate bien fait pour immobiliser le séide de la préfecture. Et cependant, il regardait les deux hommes avec un air de curiosité toute paisible et détaché. Mais à part un clignement quasi imperceptible de la part de Roddy quand ses yeux rencontrèrent ceux du voyageur, comme si l'Anglais luttait avec une mémoire rebelle, ni l'un ni l'autre des policiers ne parut le moins du monde reconnaître Lagnard. Une fois hors de la gare, celui-ci respira, et son porteur l'installa dans un taximètre disloqué. Inutile de chercher si, oui ou non, Roddy regardait après lui. Dans l'individu haillonneux qui tenait la portière, tandis que Lagnard cherchait dans sa poche le pourboire du porteur, il reconnut un familier de la préfecture, et d'évidence, il y en avait d'autres aux environs. Si un doute subsistait dans l'esprit de Roddy, il n'aurait qu'à demander à cet homme. « Quelle voiture a pris un voyageur, fait comme ci, et comme ça, et dans quelle direction ?» pour être aussitôt renseigné à souhait. Dans ce cas, il était évidemment contre-indiqué d'aller tout droit à son pied-à-terre, ce commode petit rez-de-chaussée voisin du Trocadéro. Sans l'ombre d'une hésitation, Lagnard donna au chauffeur l'adresse de l'hôtel Lutetia, jeta un sou à l'espion haillonneux et démarra au bruit d'une portière refermée et d'un moteur qui avait fâcheusement besoin d'une révision. La pluie qui avait assailli le train à quelques lieues de Paris tombait à torrents dans la capitale. Les passants étaient rares sur les trottoirs baignés d'eau et les terrasses des cafés, sous leurs tentes, étaient unanimement désertes. Mais sur la chaussée, un ahurissant pêle-mêle de véhicules, principalement à moteur, se frôlait, se dépassait et s'élançait sur l'asphalte luisant, tous bien entendu à grande allure, sans quoi ce n'eût plus été Paris. Lagnard les compara à des insectes effleurant la surface de quelques sombres mares forestières. Le toit de la voiture résonnait comme un tambour. Le chauffeur clignotait sous les gouttes renvoyées par le cabinet de caoutchouc. De temps à autre, les pneus lâchaient prise sur la voie traîtresse et provoquaient des instants de sérieuse inquiétude. Lagnard abaissa une glace pour atténuer l'odeur de moisie particulière au taxi de France, mais la pluie entrait et il se hâta de refermer. Puis, insensiblement, il se laissa aller au flot de souvenirs évoqués par cette soirée trop semblable à celle qu'il avait vue arriver à Paris 20 ans auparavant. Ce fut alors que, pour la première fois depuis plusieurs mois, il songea positivement à l'hôtel Troyon. Et ce fut également le hasard qui imposa une panne à son taxi. Sur le point de quitter l'île de la Cité par le pont Saint-Michel, le véhicule, on pouvait certes bien s'y attendre, fut pris de folie et s'élança, tel un crabe, du milieu de la chaussée vers le trottoir de droite, dans le dessein évident d'escalader le parapet et de mettre fin à ses jours dans la Seine. Le chauffeur ressaisit la direction juste à temps pour éviter une catastrophe. Mais il n'y eut pas plus tôt réussi qu'un éclat de verre creva l'un des pneus arrière, lequel rendit l'âme aussitôt dans une détonation pareille à celle d'un vaillant petit canon. Là-dessus, le chauffeur, un homme apparemment porté à la piété, lâcha quelques paroles bien senties où revenait le nom sacré du Seigneur et, se dépêtrant du tablier, se dirigea vers l'arrière pour examiner le dégât. De son côté, Lagnard jura en bon saxon, ouvrit la portière et se livra à l'averse cataractante. « Eh bien, » demanda-t-il, après avoir durant quelques instants pathétiques, considéré le chauffeur caressant le pneu vidé. Relevant un visage contorsionné, l'homme se mit à faire des gestes désespérés, qu'il commenta par quelques phrases incohérentes. Lagnard y démêla non sans peine que l'accident était le second du même genre depuis midi, que la voiture n'avait par conséquent plus de pneus de rechange et que le seul remède était d'aller au garage. Il répondit, fort à propos, qu'on n'y pouvait rien, paya la course et ajouta un pourboire, tout comme si le trajet eût été accompli correctement. Et, planté auprès de son bagage, regarda le véhicule estropié s'éloigner K1KA dans la brume environnante. En temps normal, sa détresse eût été secourue en moins de 2 minutes, mais ce n'était pas le cas. Depuis un moment, tous les taxis passaient avec des drapeaux dédaigneusement baissés. En outre, leur conducteur blaguait à leur aimable façon parisienne cet étranger solitaire qui occupait une position si incommodément distinguée au cœur de la tourmente et en plein milieu du pont Saint-Michel. Là-bas, à gauche, sur le quai des Orfèvres, la façade de la préfecture, la tour pointue, comme les Parisiens l'appellent plus volontiers, se dressait sourcilleusement. Lagnard oublia son malheur, le temps d'adresser à la sombre masse un salut ironique, en songeant aux fonctionnaires enfermés là-dedans, qui eussent donné la moitié de leurs biens pour lui mettre la main au collet, à lui, qui n'était qu'à quelques 100 mètres de distance, abandonné sous la pluie. À toute petite allure, un fiacre en maraude s'approcha et vira à son appel. Il considéra cette bonne fortune avec beaucoup de méfiance. Le flageolant et décrépit animal entre les brancards promettait de mettre du temps pour arriver au Lutetia. Et sur cette pensée, il céda à la tentation. « Hôtel Troyon » cria-t-il au cocher après avoir embarqué son bagage. Tandis que le fiacre s'enfonçait dans ce sombre dédale de rues étroites et tortueuses qui s'étendent depuis la Seine jusqu'au Luxembourg, son passager se disait que le sort, après tout, ne l'avait pas si mal servi. En admettant que Roddy l'eût réellement guetté à la gare du Nord, dans l'idée de le suivre et d'attendre que sa proie fît quelques gestes compromettants, ce changement de véhicule et de destination dû au hasard ferait perdre sa piste au détective et accorderait à l'aventurier tout au moins quelques heures de répit. Lorsque enfin la voiture s'arrêta au coin historique et que Lagnard en descendit, il faillit se frotter les yeux en voyant les fenêtres de l'hôtel Troyon toutes resplendissantes de lumière électrique. Au fond, jusque-là, et sans aucune raison, il avait toujours cru que l'hôtel resterait immuable, même entre les mains d'un patron novateur. Un portier chic surgit, empoigna son bagage et lui tendit un parapluie. En pénétrant dans l'hôtel, Lagnard força ses traits à l'impassibilité, car il n'avait aucune envie de laisser voir dans ses yeux la moindre lueur de réminiscence s'il venait à rencontrer des visages familiers. Et la précaution était bonne, car, une fois de plus, Le premier qui l'aperçut fut Rodi.